Chapitre 2e. Un silence profond régnait dans l'hôtel qu'habitait Faustine et dans les quartiers avoisinants. Les fenêtres du salon, qui donnaient sur la rue, étaient ouvertes, et on avait fermé les rideaux de manière à laisser pénétrer un courant d'air et entretenir dans l'appartement une obscurité mystérieuse. Le baron Andlau était assis sur une ottomane. Il lisait, mais ses yeux distraits quittaient à chaque instant le livre, et le sens des mots lui échappait le plus souvent, car il attendait Faustine, et Faustine ne venait pas. Le baron Andlau était un homme de 35 ans environ, d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, d'une physionomie pensive et réfléchie. Sa figure, encadrée de cheveux blonds que le temps commençait à dévaster, ne manquait pas d'agrément et même de noblesse. Elle annonçait plutôt une saine raison, un bon cœur, une âme aimante, que la fougue des passions. Et pourtant, quand on examinait avec plus de soin les rides qui creusaient son front, quand on étudiait l'expression changeante de ses yeux bleus et les mouvements contenus d'une bouche ordinairement sérieuse, on se prenait à penser que cet homme, en apparence froid et calme, pouvait être né avec une sensibilité profonde et en souffrir d'autant plus qu'il s'efforçait de la dissimuler. Déjà, son impatience était arrivée à son comble. Il se reprochait de ne pas avoir accompagné Faustine. Il s'accusait d'imprévoyance et fatiguait son imagination à se créer 1000 sujets d'inquiétude. Lorsqu'il distingua sur l'escalier le bruit des pas de la comtesse, comme il se précipitait à sa rencontre, la porte s'ouvrit et livra passage à Faustine. La chambre, à peine éclairée par un demi-jour, parut s'illuminer tout à coup de sa présence. La jeune femme jeta son chapeau sur un fauteuil, son carton à dessiner sur un autre, et tomba elle-même sur un sofa en s'écriant « Décidément, chère Anastase, ce sera un joli dessin. Je n'aurais rien fait de mieux, mais je suis bien lasse, je suis exténuée. » Le baron était resté debout au milieu de l'appartement, mais déjà avait disparu tout signe extérieur de l'agitation à laquelle il était tout à l'heure en proie. « Comment pouvez-vous, Faustine, vous fatiguer de la sorte ?» lui dit-il d'un ton de douce réprimande. « Le grand jour vous est-il donc absolument nécessaire pour votre dessin ?»« Sans doute, » répondit Faustine en se levant avec vivacité. « Absolument nécessaire. Ma fatigue, dites-vous. Eh bien, je vous annonce que ma journée n'est pas finie. Il faut que vous veniez ce soir avec moi à Neufstadt. Je veux y étudier l'effet des clochers se mirant dans la rivière par un beau clair de lune. Ce sera un joli pendant pour mon dessin. » « Voici une lettre à votre adresse, » continua le baron sans répliquer davantage. « En juger par le cachet, elle vient de votre beau-frère. Donnez, donnez, je reconnais son écriture. » Et décachetant vivement la lettre, elle lut tout haut. « Très honorée belle-sœur, vous nous avez annoncé par votre dernière lettre l'intention où vous étiez de nous favoriser d'une visite dans le courant de juin. C'est pour nous une nouvelle aussi agréable que flatteuse. Comme notre plus jeune fils doit être baptisé le 10 de ce mois, nous désirons, ma femme bien-aimée et moi, que vous lui serviez de marraine. La cérémonie aura lieu dans l'église de mon domaine d'Oberwaldorf à midi. Les autres répondants de l'enfant seront la baronne von Feldkirch et mon frère Clément von Waldorf, qui a fini ses études à l'université de Jena et qui maintenant s'instruit à mon école dans la science de faire valoir une propriété. Mes enfants se portent parfaitement. C'est un grand motif de joie et de pieuse gratitude pour un père qui en a 7. Et qui réside au fond d'une campagne loin de tout secours médical. Ma femme bien-aimée se porte également aussi bien qu'on puisse le désirer. Elle me charge pour vous de ses plus tendres compliments. Quant à moi, mon honorée belle-sœur, je me dis, comme toujours, votre dévoué beau-frère et votre obéissant serviteur, Maximilien von Waldorf. » Cela s'arrange à merveille, poursuivit gaiement Faustine, lorsqu'elle eut achevé de lire l'épître de son formaliste beau-frère. « Vous avancerez de quelques jours votre voyage, mon cher Anastase. Nous irons ensemble jusqu'à Cobourg. De là, vous rentrez à Kissingen, et moi je prendrai la route d'Oberwaldorf. Nous nous rejoindrons vers le milieu de juillet, et nous pousserons notre excursion jusqu'en Belgique. Cela ne vous sourit-il pas ?» Andlau ne fit aucune objection à ce plan. Faustine en était contente, cela lui suffisait. Cependant, il demeura silencieux et rêveur. Faustine, elle aussi, devint triste et pensive. D'une nature noble et impressionnable, ce qui était peut-être son plus grand charme, elle se livrait, presque sans transition, aux sentiments les plus opposés. « Comme nous sommes faibles, Anastase, » reprit-elle, avec un sourire languissant et des larmes dans les yeux. « Une séparation de quelques semaines nous inquiète et effraie. mais nous serons séparés. Tout est là. Le temps et la distance n'y font rien. Dans 3 jours, je ne vous verrai plus. Je n'entendrai plus votre voix. Et qui sait? Un coup inattendu peut frapper un de nous deux, nous séparer pour jamais. Eh, quoi, Faustine? Répondit Anastase. Croyez-vous donc que rien puisse nous empêcher de nous rejoindre, si ce n'est notre propre volonté? Oui, répliqua-t-elle en secouant la tête d'un air mélancolique. Oui, je le crois. Vous le croyez, dites-vous? S'écria le baron avec véhémence. Vous le croyez? Faustine, Faustine! Si vous admettez une telle possibilité, nous sommes déjà séparés. Anastase, dit-elle lentement, la mort sépare les cœurs les plus tendrement unis, la mort. Que parles-tu de mort? Interrompit le baron hors de lui. Tu ne mourras point. Et moi, si je venais à mourir, je vous suivrai. Je vous suivrai, Anastase. Oh, vous avez raison, la mort elle-même ne sépare pas. Ils étaient assis l'un près de l'autre. Le baron tenait les deux mains de Faustine dans sa main gauche. Faustine s'abandonnait à cette douce étreinte et appuyait languissamment sa tête sur l'épaule d'Anne-Lau qui fixa sur elle un regard de tendresse. Mais le baron reprit bientôt son calme et redevint le sage mentor, le fidèle conseiller, le censeur rigoriste, le frère, que dis-je, le père de Faustine. Anne-Lau était aux yeux de Faustine une sorte de providence visible. Elle l'aimait, mais elle l'estimait et le révérait encore plus. Elle admirait sa haute raison, son jugement infaillible, et la froide impassibilité qu'il portait en toutes choses. Elle s'appuyait sur lui comme sur un être fort qui soutiendrait sa faiblesse, sur un cœur éprouvé qui ne lui ferait jamais défaut. Mais par une conséquence naturelle, elle le craignait. Devant lui, son imagination vagabonde n'osait se donner carrière, dominée par le sang-froid du baron. Elle lui disait quelquefois en plaisantant « Les filles esclaves de l'Asie portent en signe de servitude un petit collier d'or qu'on prendrait volontiers pour un ornement. De même, Anastase, votre amour est un ornement pour moi, mais c'est aussi une chaîne. » Elle disait encore « J'étais née pour être une de ces esclaves. J'aime là où je suis dominée. J'aime la tyrannie qu'on exerce sur moi. Et je ne conçois pas les amants prétendus passionnés qui ne s'interposent pas dans tous les plaisirs, dans tous les chagrins de la femme aimée, qui lui permettent d'être triste ou gaie en leur absence et pour un sujet où il n'est aucune part. Voyez-vous, Anastase, ce n'est que de l'indifférence. » Cependant, il y avait des instants où cette domination morale et intellectuelle lui pesait. Elle se lassait d'obéir aveuglément à la volonté, au moindre désir d'un autre, et de faire une complète abnégation d'elle-même. Impatiente d'une séjution aussi dure, elle se révoltait. Elle brisait le joug et se remettait en possession de sa pleine indépendance. Puis, loin de s'incliner devant les décisions d'Anastase, elle les discutait librement ou refusait de les accepter. Alors elle ne pensait, elle n'agissait qu'au gré de son humeur capricieuse. Dégagée de ce frein qui la contenait, elle s'abandonnait à toutes les fantaisies de son imagination, et afin de mieux constater l'usage de sa liberté, elle en abusait. C'est là une épreuve dangereuse, même pour les natures les plus heureusement douées. Que de femmes se flattent d'en triompher et y succombent. Faustine était une de ces créatures d'élite que le ciel semble se plaire à former. Elle était née avec les plus généreux instincts, mais elle n'avait aucune règle de conduite, et quand une volonté plus forte ne maîtrisait pas la sienne, c'était la passion qui la dominait. Une fois cette fougue apaisée, elle riait la première de ce qu'elle appelait ses rébellions. Elle reprenait docilement son joug et s'étonnait de l'avoir un moment rompu. « Je me suis pourtant fait une maxime, » disait-elle naïvement à Andlow, « c'est de ne jamais disputer contre vous. Vous trouverez toujours des raisons meilleures que les miennes et qui me réduisent au silence, c'est humiliant. » Le charme irrésistible exercé par elle, sur tous ceux qui l'approchaient, était plus facile à sentir qu'à expliquer. Elle était belle, sans doute, ses yeux bleus, tantôt chargés de langueur, tantôt vifs et spirituels, sa longue chevelure blonde, ses traits harmonieux, sa taille, son teint, toute sa personne offrait le type de la perfection. Mais la perfection elle-même n'est-elle pas haïssable? Non. Il y avait en elle autre chose que cela. C'était je ne sais quoi d'aimable qui était répandu dans son regard, son sourire, sa voix, ses moindres gestes. C'était quelque chose de gracieux qui vous attirait malgré vous, quelque chose de frais et de jeune qui épanouissait votre âme au contact de la sienne. La fleur nouvellement détachée de sa tige, le fruit qui pend à l'arbre et attend la main qui va le cueillir, embaume l'odorat et enchante les yeux par leur parfum et leur couleur, telle était Faustine. Mais la fleur se fane au moindre souffle, la piqûre d'un insecte corrompt le fruit. Tandis qu'au physique et au moral, Faustine, quoique déjà éprouvée par bien des revers et des chagrins, avait conservé dans toute leur primeur sa jeunesse et sa beauté. Elle était simple et naturelle. Elle avait la candeur et l'inexpérience d'une enfant. N'affichant aucune prétention, elle semblait ignorer son pouvoir, et ce pouvoir n'en était que plus réel. D'hommages et d'applaudissements, elle ne se montrait nullement avide. L'approbation ou le blâme de la foule lui importait peu. Il lui suffisait d'être en paix avec elle-même. Elle se renfermait dans son cœur comme dans un sanctuaire et passait à travers le monde avec une complète indifférence. Les sympathies qui venaient au-devant d'elle, Faustine les accueillait avec un cordial empressement. Si, au contraire, la main qu'elle cherchait se détournait ailleurs ou ne lui semblait pas digne d'être retenue plus longtemps dans la sienne, elle y renonçait, comme on se sépare d'une fleur en la laissant tomber, mais en ne la rejetant pas. Les femmes l'aimaient, car elle ne leur faisait pas rivalité. Elle leur abandonnait les adorateurs, lançant des flatteries, le luxe de la toilette, vain triomphe qu'elle ne comprenait pas. Elle se dérobait à tout ce bruit qui bourdonne autour d'une jeune femme. Elle se cachait dans la foule, heureuse d'être éclipsée, heureuse de rester inaperçue. Les jeunes gens, découragés par la froideur de son accueil, portaient à d'autres des hommages qu'ils eussent désiré lui adresser. Les vieillards étaient mieux venus d'elle et goûtaient davantage son entretien. C'est ainsi que, ne possédant ni richesse ni crédit, sans intrigue et par le seul effet de ses manières pleines de réserve et de dignité, elle avait conquis l'estime et désarmé la malveillance. Le monde, ce monde soupçonneux et railleur, la respectait. Il se faisait pour elle indulgent et facile. Par un accord tacite, il regardait sa liaison avec Andlau comme légale, et pour n'avoir pas à blâmer Faustine, il publiait qu'elle était mariée secrètement au baron.